Je me mets à la recherche. J'en parle à M. Marais qui me dit « Je vous trouverai cela, il n'en manque pas. » Il vint me trouver. « J'ai votre affaire près de chez moi, sur la promenade. » « Allez trouver le père Chopard, tonnelier, marchand de sabots. Il veut vendre son jardin. »« Je vais trouver Chopard. Vous voulez vendre votre jardin ?»« Oui, monsieur. » »« Voulez-vous me le faire voir ?»« De suite, monsieur. Allons-y. S'il me convient, et que le prix ne soit pas trop élevé, je vous l'achèterai. » Visite faite, je dis, « Combien voulez-vous ? » 1 200 francs. « Si vous voulez venir chez moi, vous prendrez ma femme pour qu'elle le voie. Si ça lui convient, nous pourrons nous arranger. » Ma femme y va et dit, « Il nous convient, tu peux l'acheter. » Je vais trouver ces pauvres gens et termine le marché pour 1 200 francs. Ah, que j'étais heureux d'avoir un jardin ! C'était un désert, mais en un an, il changea de face. J'y dépensais 600 francs. J'y faisais trembler la pioche et la bêche. J'en fis mon champ d'asile. Dans mon jardin, j'étais à l'abri des espions. J'en fis mes délices, celles de ma femme. Je lui dois ma belle santé. J'abandonnais tout le monde, je dois dire que je voyais des persécuteurs partout. Depuis 30 ans que je cultive mon champ de retraite, je n'ai pas passé 2 jours sans aller le voir, et par tous les temps, toujours accompagné de ma femme. Combien je jouissais chaque jour de ma trouvaille. Je plantais des arbres, j'en réformais. Je laissais l'allée principale un peu étroite, mais que je ne pouvais changer à cause de ces beaux arbres. Je fis un joli parterre et 3 berceaux. Je plantai des quenouilles qui ont 25 pieds de haut. Il est rare d'en voir de pareilles. Lorsque tout fut terminé, on vint me visiter. On venait voir le vieux grognard, toujours habit bas et pioche à la main, qui était heureux d'avoir un coin de terre. J'eus le bonheur de devenir père d'un garçon qui faisait toutes mes espérances. Mais je le perdis à l'âge de 14 ans. Cela brisait toutes mes joies. En 1818, je fis dans mes vignes de Mouffy une bonne récolte. Je vendis pour 1 000 francs de vin qui bouchèrent un trou de mes dettes. Comme j'étais fier de porter avec ma recette du mois 2 000 francs à M. Mort et à M. Labour. Mais les espions étaient toujours à ma poursuite. À la fin de septembre 1822, à 10 heures du matin, un bel homme se présente chez moi, assez bien vêtu, redingote bleue, pantalon, idem, beau favori noir. Un coup de sabre lui prenait depuis l'oreille jusqu'à la bouche. Il avait tout à fait l'air d'un militaire. Je ne pus m'empêcher de le faire entrer dans ma petite chambre. « Donnez-vous la peine de vous asseoir, vous prendrez bien un verre de vin. » Ma femme dit, « Si vous voulez, je vais vous donner un bouillon. » « Je n'ai pas de refus, » dit-il. Après s'être rafraîchi, il me fit voir une liste de tous les officiers qui restaient en ville. « Qui vous a donné cette liste ? Je ne le connais pas. Avez-vous trouvé quelque chose ?»« Oh oui, » me dit-il. Je dis à ma femme, « Donne-lui 3 francs. »« De suite, mon ami. » Je lui demandai d'où il venait. « Je viens de la Grèce. » Il tire de sa poche des papiers. Il me lit les noms des principaux chefs qui commandaient en Grèce. « Pourquoi avez-vous été là-bas ? Permettez-moi de vous faire cette question. » « C'est mon commandant qui m'a emmené avec lui. »« Et pourquoi êtes-vous revenu ?»« C'est que j'ai vu empaler mon commandant. » »« Cela m'a fait si peur que j'ai quitté de suite le pays. » »« Qu'allez-vous faire ? » ?»« J'ai des protecteurs au ministère de la guerre. » Je congédiai mon individu qui se rendit de suite à la mairie pour me dénoncer. Il dit au maire que j'avais tenu des propos à un conscrit dans la rue de la Draperie. Ce conscrit m'aurait dit « Bonjour, capitaine. Où vas-tu ? En Espagne. Eh bien, tu n'en reviendras pas, ni toi ni tes camarades. » Je ne tardai pas à être appelé devant le maire. À midi, l'agent de police me prévint que j'étais attendu. J'y vais sans faire de toilette, en casquette. « Que me voulez-vous, monsieur le maire ? » ?»« Eh bien, dit-il, « si vous entendiez dire du mal de moi, me le diriez-vous, mon brave ?» Il me tenait les deux mains. « Non, monsieur le maire, je ne suis pas dénonciateur. » « Et si vous voyez que l'on voulut me faire du mal, me le diriez-vous »« Non, monsieur le maire, car je m'en souviens au moment de faire la récolte, on a coupé vos vignes par le pied. Si je l'avais vu, je ne vous l'aurais pas dit. Mais si j'avais trouvé l'individu sur le fait, je l'aurais contraint de me suivre, pour faire sa déclaration devant vous. Et s'il ne l'avait pas faite, je lui aurais donné la correction devant vous. » Voilà comme j'entends les dénonciations. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Vous êtes dénoncé. Je proteste. Je ne vous demande ni grâce ni protection. Je suis innocent. Je connais l'infâme. Il a un coup de sabre sur la figure. Il m'a dit qu'il venait de Grèce. Je lui ai donné 3 francs, un bouillon et 2 verres de vin. Il n'y a que lui qui a pu me dénoncer. Si vous voulez le permettre, je vais aller chez le général. Il le sait. Déjà ? C'est à 10 heures que l'infâme est sorti de chez moi. Il va vite. Il fait du chemin en 2 heures. Voulez-vous me permettre d'aller m'expliquer auprès du général ? Allez, vous viendrez me rendre compte de ce qu'il vous aura dit. Ça suffit. » J'arrive rue du Champ. Je trouve le général en grande robe de chambre, dans mon salon, près d'un bon feu. « Mon général, je vous salue. »« Bonjour, monsieur. »« Je ne suis pas monsieur, général. Je suis le capitaine Coignet, qui vient d'être encore dénoncé. Mais cette fois, je connais le scélérat. C'est un mouchard de Paris. Il s'est présenté chez moi avec une liste de tous les officiers en demi-solde. Je voudrais bien connaître celui qui se permet de donner tous nos noms. Il aurait ma vie ou j'aurais la sienne, car je lui ai donné 3 francs, 2 verres de vin, un bouillon, et pour récompense de mon obol, il est venu me dénoncer comme un lâche. Vous devez l'avoir gardé, je pense, pour nous mettre en présence devant vous. Si vous l'avez fait partir, il est temps que cela finisse. Voilà 6 ans passés que je suis sous votre surveillance, sans l'avoir mérité. Aujourd'hui, général, c'est ma mort ou ma liberté que je viens vous demander. Vous êtes maître de choisir. Je ne vous demande pas de grâce. Je vous jure sur l'honneur que je suis innocent, et ma parole doit vous suffire. Voilà mon dernier mot. Je viendrai demain, à 3 heures, pour savoir ce que vous aurez décidé. Vous êtes maître de me faire arrêter. Si vous me permettez de me retirer, je prends mon fusil, je parcours les rues, et si je trouve l'infâme, je crie aux citoyens « Rangez-vous, que je tue ce chien enragé !» Allons, capitaine, calmez-vous. Général, si votre mouchard ne vous dit pas la vérité, faites-lui donner 100 coups de bâton, et vous ne serez plus trompé. Vous pouvez vous retirer. Il vint me conduire jusqu'à la porte. J'avais frappé juste. Le lendemain, à 3h15, j'étais sur le pas de ma porte, attendant l'heure de partir chez le général. Arrive monsieur Ribourg. Capitaine, je viens vous dire que toutes les dénonciations ont été brûlées devant moi. Elles se montaient à 42. Vous pouvez parler, dire tout ce que vous voudrez, vous ne serez plus dénoncé. La gaieté reparut chez moi, mais le 8 mai, la grêle ravagea mon jardin. Je perdis ma petite récolte. Ceux qui furent préservés de ce fléau firent du bon vin à Auxerre. J'en fis 18 feuillettes dans mes petites vignes de Mouffy qui me sauvèrent pour l'année 1822. Mon père fut, comme moi, victime de dénonciation. Il fut poursuivi pour propos séditieux et un mandat d'amener lancé contre lui. Un ami le prévint. Il prit la fuite par la porte de son jardin et les gendarmes le manquèrent. Pendant 8 jours, il erra dans les bois, puis se cacha dans un village. Mais il avait perdu sa liberté. Il fallait rester enfermé. Il prit le parti de quitter son refuge et de gîte en gîte, ne marchant que de nuit, il se rendit à la prison d'Auxerre pour subir la peine que le tribunal voudrait lui infliger. Il fut condamné à 3 mois de prison. Il était accusé d'avoir dit que l'empereur arrivait avec 10 000 Anglais. Le bon sens protestait contre une pareille accusation. On vint me dire qu'il était en prison. Je fus de suite le voir. Je l'embrassai. Pourquoi ne me l'avoir pas fait savoir? Je craignais de te faire de la peine. Qui a pu vous dénoncer? Trubert, le malheureux, dis-je. C'est moi qui ai fait sa fortune. Qu'il l'ait fait marier avec mademoiselle de France, ce n'est pas possible. C'est lui, te dis-je. Je vous apporterai tous les jours à manger. Je veux une bouteille d'eau-de-vie, pour donner à ceux de ma chambrée. Je leur chante messe et vêpres le dimanche. Je ne m'ennuie pas. Je ne vous laisserai manquer de rien. À la sortie de prison, il me laissa un pouf de 35 francs chez Foussier, cabaretier, rue du Temple, en face du café Milon. Il se faisait apporter des morceaux de rôti, et c'est moi qui payais ainsi les messes et les vêpres, qu'il chantait aux prisonniers. En 1823-1824, je fis une moyenne récolte, mais en 1825, je fis d'excellents vins. J'en vendis pour me liquider avec messieurs Mort et Labour, et il me resta 300 francs que j'employai de suite en épicerie, sans en prendre un sou de plus. Rentré chez moi, je dis à mon épouse, « Je suis le plus heureux des hommes, je ne dois plus rien, et voilà pour 300 francs de bonne épicerie qui ne doit rien à personne. » Le roi n'était pas plus content. Ma petite maison se maintenait. Je renonçais tout à fait au monde. Je partais dans l'été avec mon épouse à 3 heures du matin. Je revenais du jardin à 6, ouvrir ma petite boutique, et repartais de suite. À 9, je revenais déjeuner. Voilà la conduite que j'ai toujours tenue pendant 30 ans avec mon épouse chérie. Que la terre qui la couvre soit légère. Elle a fait du bien aux pauvres toute sa vie. Tous les lundis, elle distribuait plein une sébille de gros sous, et tricotait des bas aux aveugles. Elle s'était imposée 12 francs par mois. Je lui disais, « C'est bien lourd, ma chère amie. Cela nous portera bonheur. » J'ai toujours continué, mais j'en ai perdu 2 qui m'ont allégé de 6 francs. reste à payer 6 francs par mois. Tous les 15 jours, ma femme avait des pauvres à sa table, depuis que nous avons quitté le commerce. J'ai réformé tout cela depuis que je suis seul. Je me réserve seulement de porter moi-même l'obol que mon épouse avait contracté l'habitude de donner à ses pauvres. Toutes ses volontés sont sacrées pour moi. Elle m'a prié par un écrit, qui est dans mon secrétaire, sans date ni signature, de faire 100 francs à son frère Baillet, qui est à Paris. Cela est payé tous les 3 mois sur ma pension, ainsi que 72 francs pour ses pauvres, ce qui me fait une somme de 172 francs par an. J'ai été entraîné dans ce pénible souvenir, qui ne se trouvera peut-être pas à son lieu et place. Maintenant je reviens à mon sujet. Les années 1826 à 1829 se passèrent sans événement pour moi. L'accomplissement de mes 30 ans de service était échu. Il y avait longtemps que je l'attendais. J'avais 15 ans, 11 mois, 9 jours de grade de capitaine. Mes services se montaient pour 30 ans à 1200 francs, pour 12 campagnes à 240 francs, pour 6 mois à 10 francs, total 1450 francs. Je reçus ma retraite le 23 août 1829, date de l'accomplissement de mes 30 ans de service. Un ami partit pour Paris et s'occupa de moi près de son cousin, M. Martineau Deschenaise, chargé du personnel au ministère de la guerre. Je reçus cette belle retraite rue des Belles-Filles. Il se trouvait du monde quand je reçus ce brevet de pension, ce montant à 1450 francs au lieu de 930 francs que j'attendais. Je fis une exclamation de joie en disant « Tant mieux, mes pauvres en profiteront !» Je tins parole, je doublai mes aumônes. Il y avait dans mon quartier la veuve d'un militaire qui avait 2 garçons et 1 fille. Je mis les 2 garçons en classe, qui me coûtèrent 80 francs par an. Je leur donnais toute ma défroque. Je peux en citer un, il se nomme Choude. Il fit tant de progrès qu'il entra au petit séminaire d'Auxerre. Maintenant il est curé dans une campagne. Je ne l'ai pas revu, mais j'ai fait le bien et cela me suffit. L'année 1830 amena une grande agitation en France. Toutes les têtes étaient chauffées contre les vieilles monarchies. On voulait les chasser pour la dernière fois. Paris se souleva. C'est toujours lui qui donne le branle aux révolutions. Paris changerait de gouvernement aussi souvent que nous changerons de chemise. Du reste, Auxerre était aussi en mouvement. C'était tout feu. Heureusement que ça ne dépassait pas les portes de la ville. Ils se contentaient de faire leur petit rassemblement à la porte du temple, à l'hôtel de ville, à la préfecture, sur la route de Paris, pour arrêter les dépêches. Ils se donnaient bien garde de dépasser la montagne Saint-Siméon, mais ils escortaient la malle-poste. Ah, les bons défenseurs de la patrie! Je les regardais en dessous et suivais tous leurs mouvements. Que Robert était content d'avoir un paquet de proclamations de Paris. Il montait sur les bancs, sur les bornes, pour planer sur le public. Dieu qu'il était heureux! Quant aux autorités d'Auxerre, les moutards les avaient expulsés. Ils s'étaient emparés de l'hôtel de ville et avaient arboré le drapeau tricolore. On se dépêcha de rétablir l'ordre. On forma de suite la garde nationale. Les élections eurent lieu le plus promptement possible. Je me trouve très surpris de me voir nommé porte-drapeau sans ma permission. La loi était pour moi. J'étais libre d'être la garde nationale ou non. On m'apporte ce brevet de porte-drapeau. Mais qui vous a permis de me nommer sans mon aveu? Tout le monde vous a porté. Vous êtes nommé à l'unanimité. Vous ne pouvez refuser. Vous êtes donc les maîtres? Qui est votre chef de bataillon? C'est M. Turquet. Vous avez fait un bon choix. Je vous rendrai réponse demain. Si j'accepte votre drapeau, je serai à l'hôtel de ville à midi. Je consultai mon épouse. Il ne faut pas refuser, dit-elle. Mais c'est une dépense énorme et un fardeau bien lourd pour moi. Ne refuse pas, je t'en prie. Ils croiraient que tu leur en veux. Ils m'ont pourtant bien fait souffrir avec leur dénonciation. Ils mériteraient que je les envoie promener. Non, me dit-elle, ne pense plus à cela. Mais cela va nous gêner, il me faut 200 francs. Ne recule pas, je t'en prie. À midi, je leur portai ma réponse. « Voilà notre porte-drapeau, crie-t-il. Vous n'en savez rien, messieurs. Je suis mon maître, et non pas vous. Vous n'avez aucun droit sur moi. La loi est là. Si vous croyez me faire plaisir en me donnant un fardeau si lourd, vous vous trompez, mais je le porterai. Nous vous donnerons un aide. Et cette dépense qu'il faut que je fasse, vous êtes riches, vous autres, mais pas moi. Allons, mon brave, vous êtes des nôtres. Je vous promets de me mettre de suite en mesure, mais je ne vois pas votre mère. » Il faut le faire rentrer à son poste. Les moutards l'ont chassé, ce n'est pas à nous à faire justice. S'il ne convient pas, il sera remplacé. Il faut de suite nommer un officier de planton chez le préfet pour le protéger. les moutards lui mettent la baïonnette sur la poitrine pour lui faire donner les dépêches. Tous mes avis furent suivis. L'autorité reprit son cours et le maire revint à son poste. La garde nationale fut convoquée pour se rendre à l'arquebuse au nombre de 1500 à 1800 hommes. Tous en blouse. Les tailleurs n'eurent pas de bon temps. Je reçus l'ordre de m'y rendre pour être reçu, car ça pressait. Le canon ronflait à Paris. On faisait la chasse aux Suisses. À Auxerre, on avait improvisé un drapeau pour faire les premières proclamations. Tous les jours, on me promenait dans toutes les rues avec mon pénible fardeau. Quand je rentrais, j'étais en nage. Mais ce fut bien pis plus tard. La ville fit faire un drapeau qui coûtait 600 francs. Il était magnifique. La draperie était aussi large que la grande voile d'un vaisseau de 74. Il me bouchait la figure. J'en pliais dessous. Quand je rentrais, tous mes habits étaient trempés. Comme c'était amusant pour un vieux capitaine qui avait assez de son épée. Il me tenait des 2 heures à parcourir toute la ville, puis arrivé à l'hôtel de ville, il fallait le reporter chez le commandant turquet sur le port. Si on l'avait gardé, je les aurais remerciés. Je faisais plus que mes forces. Je le donnais un jour à M. Mathieu pour le descendre. Il ne put le porter à son terme. Heureusement, la reine en avait brodé un, dit-on, pour la garde nationale d'Auxerre. Il fut apporté par le duc d'Orléans. Toute la garde nationale des campagnes arriva pour cette grande cérémonie. Le prince descendit au léopard, et il fallut une garde d'honneur, les pompiers, les chasseurs, les grenadiers et le drapeau, c'était de rigueur. Il fallut passer la nuit les pieds dans l'eau, y avoir pour corps de garde l'écurie. Personne ne tint compte de nous. Nous passâmes la nuit à grelotter, couchés sur le fumier. Voilà la prévoyance des autorités d'Auxerre pour les citoyens. Si un bataillon de troupes de ligne avait été à notre place, les chefs ne les auraient pas laissés dans un pareil état. Le lendemain, il fallut reporter le drapeau à l'hôtel de ville. Je profitai de cette occasion pour passer chez moi et déjeuner le plus vite possible pour rejoindre mon poste. J'eus tout le temps de me reconnaître. Il fallut placer tous les gardes nationaux des campagnes dans la grande allée de l'éperon à droite. Lorsque tous furent placés, on fut prévenir le duc d'Orléans. Je fus à mon poste pour recevoir le drapeau. Le prince arrive à cheval, le portant lui-même. Il s'arrête devant moi. Je lui dis « Prince, vous remettez ce drapeau dans les mains du soldat qui a été décoré le premier, le 14 juin 1804, au dôme des Invalides, par les mains du premier consul. » Le prince répondit « Tant mieux, mon brave, c'est une raison de plus pour qu'il soit bien défendu. » Ses paroles et les miennes furent consignées dans le journal. Je portai ce drapeau pendant 3 ans, et je puis dire que j'ai souffert. Tous les fourriers et caporaux m'écrasaient les pieds, étant pris de vin les 3/4 du temps. Heureusement, on me donna un aide nommé Charbonnier, ancien gendarme décoré. Sans lui, je n'aurais pas pu faire mon temps. Le duc d'Orléans rentrait à son hôtel, prit des informations sur mon compte, et le lendemain, nous fûmes lui faire la conduite avec le drapeau. Arrivé à Paris, il rendit compte de sa mission et lui parla de moi. Le roi voulut éclaircir cette affaire, fit demander mes états de service au ministère de la guerre, et trouva que j'avais fait toutes les campagnes. Il envoya à la chancellerie pour s'assurer si réellement j'avais été décoré le premier, ainsi que je l'avais dit à son fils. Tout lui fut affirmé. Il vit que j'avais été nommé officier de la Légion d'honneur le 5 juillet 1815 par le gouvernement provisoire. J'ignorais que j'avais intéressé le duc d'Orléans en ma faveur. Je ne le sus qu'en janvier 1847. Les vieux légionnaires de toute la France faisaient des pétitions à la Chambre des députés pour réclamer notre arriéré des 7 ans, que les Bourbons avaient retenu. Auxerre ne manquait pas d'adresser sa pétition à M. Larabite, qui tenait à la tribune en notre faveur. Mais en vain. On ne reniait pas notre dette, mais c'était toujours rejeté. Il ne lâcha pas prise. Tous les ans, il recommençait. Un jour, je le vis et lui dis « Vous vous donnez bien du mal pour nous, si vous pouviez seulement obtenir les intérêts de nos 7 ans. Les intérêts de 875 francs ne feraient que 43 francs 75 centimes. » qu'ils ajouteraient tous les ans à notre pension, et les vieux légionnaires seraient contents. « Je vous remercie, me dit-il, je n'oublierai pas votre avis. À force de renouveler nos pétitions, ça finit par prévaloir. À partir du 1er janvier 1846 et en 1847, il nous était dû 350 francs au lieu de 250, ce qui fit la joie des 10 000 légionnaires les plus anciens. Le 1er janvier 1847 arrivé, ils reçurent tous leurs 350 francs, mais moi je ne reçus rien. J'attends jusqu'au 5 janvier, puis jusqu'au 16. Je réclamais. On me mit dans le panier, ce qui veut dire les oubliettes. on ne me répondit point. Mais mon Dieu, ils ne veulent donc plus me payer ma croix. Enfin, le 18 janvier, je reçois une lettre de la Légion. Je me dis à part, j'ai bien fait de leur écrire. Voilà mes 350 francs qui arrivent. Pas du tout, je ne trouve que 250 francs. Mais ce n'était pas mon compte. J'ai droit à 350, ils se moquent de moi. On fit ma déclaration à la chancellerie, mais on en fit comme des autres, on l'a mis au panier. Enfin, le 31 janvier, je reçus une réponse. Mais quelle est ma surprise de voir sur l'adresse à monsieur le capitaine Coignet, officier de la Légion d'honneur. Je me dis, il se moque de moi. Il me dort la pilule pour ne pas me donner mes 100 francs. Je décachette la lettre, ainsi conçue. Monsieur, les 100 francs que vous réclamez ne vous sont point dus. Je fus prêt à ôter ma casquette pour les remercier. Vous avez été nommé le 5 juillet 1815 par le gouvernement provisoire, puis le 28 novembre 1831 par le roi, officier de la Légion d'honneur. Par conséquent, vous n'avez pas droit aux 100 francs. Vous êtes porté pour 250 francs qui vous seront payés annuellement. Signé le secrétaire général de la Légion d'honneur, vicomte de Saint-Mars. Me voilà donc nommé pour la troisième fois. Mais qui a pu me faire nommer par le gouvernement provisoire? Me creusant la tête dans mes vieux souvenirs, je me suis rappelé la plaine des vertus le 30 juin et le bel officier supérieur qui a pris mes noms et prénoms. C'est peut-être lui. Il m'a pourtant dit son nom quand il m'a vu couper le nez à cet officier prussien. Ah, je le tiens, il se nomme Bory de Saint-Vincent. Quel bonheur pour moi de pouvoir citer un pareil homme. Je reçus mon brevet et des lettres de tous ceux qui s'intéressaient à moi. Le comte Montyon, monsieur Larabite, ma belle-sœur Baillet, supérieur de la succursale des orphelines de la Légion d'honneur, rue Barbette. Le 16 août 1848, anniversaire de ma naissance, je fus frappé du plus grand malheur. Je perdis ma compagne chérie après 30 ans de jours fortunés. Je restais seul, accablé de douleur. Que vais-je devenir à 72 ans? Je ne puis rien entreprendre. Mes petites occupations ne pouvaient me tirer de mes ennuis profonds. Il y avait longtemps que je me creusais la tête de tous mes anciens souvenirs qui se trouvaient bien loin derrière moi. Si je savais écrire, je pourrais entreprendre d'écrire mes belles campagnes et l'enfance la plus pénible qu'un enfant de 8 ans a pu endurer. Eh bien, dis-je, Dieu viendra à mon aide. Ma résolution bien prise, j'achetai du papier et tout ce qu'il fallait. Je mis la main à l'œuvre. Le plus difficile pour moi était de n'avoir point de notes, ni aucun document pour me guider. Que de veilles et de tourments je me suis donné pour pouvoir me retracer tout le chemin parcouru pendant ma carrière militaire. Il n'est pas possible de se faire une idée de ma peine pour arriver à me reconnaître et me ressouvenir des faits. Si j'ai atteint mon but, je me trouverai bien récompensé. Mais il est temps que je finisse. Ma mémoire est bien affaiblie. Ce n'est pas l'histoire des autres que j'ai écrite, c'est la mienne, avec toute la sincérité d'un soldat qui a fait son devoir et qui écrit sans passion. Voilà ma devise, l'honneur est mon guide. Maintenant, qu'il me soit permis de parler aux pères de famille qui me liront. Qu'ils fassent tous leurs efforts pour faire apprendre à leurs enfants à lire et à écrire, et pour les amener au bien. C'est le plus bel héritage, et il est facile à porter. Si mes parents m'avaient gratifié de ce don précieux, j'aurais pu faire un soldat marquant. Mais il ne faut pas injurier mes parents. À 33 ans, je ne savais ni A ni B. Et là, ma carrière pouvait être ouverte si j'avais su lire et écrire. Il y avait chez moi courage et intelligence. Jamais puni, toujours présent à l'appel, infatigable dans toutes les marches et contre-marches, j'aurais pu faire le tour du monde sans me plaindre. Pour faire un bon soldat, il faut courage dans l'adversité, obéissance à tous ses chefs, sans exception de grade. Que fait aussi le bon soldat? C'est le bon officier. Je termine mes souvenirs le 1er juillet 1850. Fait par moi, Jean-Roch Coignet.